السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Donc, je viens de ce qu'il a dit, Cheikh Fawzan, dans son explication de Waqid al-Islam. Il a dit: ثامنا من العجب أن الذي تكلم في المجلس واحد والله عم من حكمه وقال أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ونسب الاستهزاء إليهم جميعا. لماذا؟ لأنهم لم ينكروا فعمهم من حكم، لأنهم لما سكتوا على المنكر صاروا شركاء مع فاعل المنكر. لهذا لما أنكر عليهم هذا الشاب برئ من الإثم وأنزل الله تصديقه في كتابه. أما هؤلاء فلم ينكروا، فدل على أن الذي يحضر مجالس الكفر والاستهزاء بالدين وبالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء ولا ينكر يتناوله الحكم. Donc, huitièmement, le Cheikh a dit que parmi les choses étonnantes, c'est que celui qui a parlé pendant l'assise était une seule personne. C'était une seule personne. Et malgré ça, Allah Azzawajal, il a dit que le jugement était vaste, englobé tous ceux qui étaient présents. Il a dit: Kulla billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Est-ce d'Allah, de ses messagers, de son messager, de ses versets que vous raillez, que vous moquiez? Et il a dit ça au pluriel, c'est-à-dire que ça englobait tous ceux qui étaient présents. Donc il a dit qu'ils sont tous moqués des versets d'Allah et de son messager. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas blâmé celui qui a dit cette parole-là. Donc ils sont devenus des associés à cette personne-là qui a dit cette chose blâmable. Par contre, la personne qui les a blâmés, le jeune qui les a blâmés, lui, il a été innocenté. Et Allah Azzawajal l'a fait descendre le verset en conformité avec ce qu'il a dit. Il a confirmé sa parole. Par contre, ceux qui se sont tus, il les a blâmés aussi. Et le Cheikh a dit que ça, c'est la preuve que celui qui assiste à une assise où il y a de la mécréance, où qu'on se moque de la religion ou du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou des compagnons ou des savants, et qui ne les blâme pas, et bien il sera dans le même jugement que eux. Il sera touché par le même jugement que la personne qui parle. قال سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فتقول بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فتقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. شرح هذه الآيات dans lequel Allah a dit, selon la traduction rapprochée: quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi de eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Dans le verset, il a dit, et dans le livre, il vous a déjà été révélé ceci: lorsque vous entendez qu'on renie les versets, le Coran, d'Allah et qu'on s'en raille, ne vous asseyez point avec cela jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. Ensuite le Cheikh a dit: فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الَّذِي لَا يُنْكِرُ سَبَّ اللَّهِ أَوْ سَبَّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ أَوْ سَبَّ الدِّينِ أَوْ سَبَّ الْعُلَمَاءِ أنه يكون مثل الساب سواء بسواء، لأن الله نسب الاستهزاء إلى المجموعة معنى المتكلم واحد. نعم. Donc il a dit que ça, c'est la preuve que celui qui ne blâme pas le fait qu'on insulte Allah Azza wa Jal, qu'on insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'on insulte les compagnons, ou qu'on insulte la religion, ou qu'on insulte les savants, eh bien, il sera comme la personne qui est insultée directement. Il n'y a pas de différence entre eux. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il a dit qu'ils ont tous insultés, qui sont tous moqués au pluriel de la religion, alors que celui qui a parlé était une seule personne. Ensuite, le Cheikh a dit: فهذه الآية فيها عبر وأحكام عظيمة ينبغي للمسلم أن يتأملها ويتدبرها لئلا يقع في شيء مما حذرت منه. وهذه الأمور كثيرة في الناس اليوم، فالاستهزاء بالدين والعلماء والاستهزاء بالسنة والقرآن كثير، ويقولون الكتاب والسنة لا يصلحان في هذا الوقت، والسنة لا يحتج بها لأنها من نقل الرواة، كما أن خبر الواحد لا يحتج به، غير ذلك من المقالات الشنيعة. Le cheikh a dit que dans ce verset-là, il y a des exhortations et des leçons et des jugements qui sont très importants, et que c'est important pour le musulman qu'il y réfléchisse et qu'il médite pour pas qu'il tombe dans une chose qui a été interdite dans ce verset-là, une chose contre laquelle le verset a mis en garde. Il a dit que ça, c'est très nombreux aujourd'hui. On voit que les gens ils se moquent beaucoup de la religion, des savants, du Coran et de la Sunna. Ils disent que le Coran et la Sunna ne sont pas adéquats pour notre époque et que la Sunna, on ne peut pas la prendre comme preuve. Pourquoi ? Parce qu'elle a été rapportée par des personnes, des rouates, des savants qui transmettent les hadiths, et que ils sont des personnes individuelles et qu'on ne peut pas prendre l'information d'une personne individuelle. Et d'autres parmi les paroles monstrueuses qu'ils disent. Ensuite, il a dit « وَكَذَلِكَ مِمَّا يُكْتَبُ فِي الصُّحُفِ وَيُذَاعُ وَيُبَثُ فِي وَسَائِلِ الْبَثِ مِنْ تَنَقُّصِ الدِّينِ الْإِسْلَامِ وَيَتِدَاعِ عَلَيْهِ الشَّيْءُ الْكَثِيرُ فَلَوْ كَانَ هَذَا مِنَ الْكُفَّارِ لَهَانَ الْأَمْرُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ الْكُفْرِ ذَنْبٌ لكن المشكلة أن هذا يحدث ممن ينتسب إلى الإسلام ويدعي العلم أنه يتنقص أحكام الشرعية أنه يتنقص الأحكام الشرعية والآيات والأدلة الشرعية أنها ظنية ولا تفيد العلم وما شبه ذلك من المقالات الشنيعة والكلام في العلماء والوقيعة في أعراضهم وأنهم علماء حيد ونفاس وأنهم علماء السلاطين ومداهنة وما شبه ذلك من المقالات الشنيعة التي يرددونها ويكتبونها مما لا يخفى كل هذا داخل في معنى الآية الكريمة وعلى صاحبه من الوعيد ما ذكره الله في هذه الآية والله تعالى ذكر أن الكفار يسخرون من المؤمنين ويتنقصونهم قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون نعم الشيخ a dit que pareil pour ce qui est écrit aujourd'hui dans les journaux et qui est propagé à la radio ou dans les moyens de communication, le fait qu'ils dénigrent la religion et qu'ils sont des ennemis de la religion et qu'ils attaquent la religion. Il a dit que si jamais ça venait des mécréants, ce serait simple, ce serait quelque chose de compréhensible. Mais parce que si ça venait des mécréants, ce serait quelque chose de compréhensible. Parce qu'il n'y a pas de péché pire que la mécréance. C'est venu qu'après la mécréance, la personne ne peut faire pire qu'être mécréant. Mais le problème, c'est que ça vient des gens qui se raffilient à l'islam et qui prétendent avoir de la science, qu'ils dénigrent les jugements de la religion et les preuves du Coran et de la Sunna, et ils disent que ce sont des preuves en niya, que ça ne donne pas la science qui est sûre, que c'est, ça donne juste une opinion et un sentiment de doute. Et d'autres parmi les paroles qu'il répète, de même qu'il parle sur les savants et il les dénigre, ils disent qu'ils sont les savants des règles et des lochis, des savants du palais et des souverains, ainsi de suite. Et d'autres paroles horribles et affreuses qu'il répète beaucoup et qu'ils écrivent. Et il a dit, le cheikh, que tout ça, ça rentre dans le verset dans lequel Allah a dit à Zawjal qu'il se moque de ce verset et du prophète. Et du Coran, et que toute personne qui fait ça, elle sera menacée par la menace qui est dans le verset, dans Sourate Tawbah. Et ensuite, le Cheikh a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué dans le Coran que les kuffars, les mécréants, ils se moquent des croyants et qu'ils les dénigrent. Et ça, c'est dans beaucoup de versets. Dans le verset, il a dit, selon la traduction rapprochée, les criminels riaient de ceux qui croyaient, et passant près d'eux, ils faisaient des œillades. C'est-à-dire des signes avec leurs yeux. Et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant, et ils voyaient, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là des égarés. Ensuite, le Cheikh a dit, « وَيَصِفُونَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ ضَلُّونَ وَيَصِفُونَ هَذَا الدِّينَ بِأَنَّهُمْ ضَلَالٌ وَيَقُولُونَ هَذَا الدِّينَ يُعَوِّقُ عَلَى الْمَدَنِيَّةِ وَالرُّقِي وَالْحَضَارَةِ وَمَا شَبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَالَاتِ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِهَذَا الزَّمَانِ » Il a dit que les kuffars, les mécréants, ils caractérisent les croyants en disant que ce sont des égarés. Ils disent que cette religion-là, c'est de l'égarement. Et ils disent que cette religion-là, ça empêche le fait de se développer et d'être civilisé, ainsi de suite. Et ils disent que cette religion-là ne convient pas avec cette époque, que la religion de l'islam ne convient pas avec l'époque dans laquelle on est. يجب وكذلك يستهزئون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون أنها قشور كإعفاء اللحية وحف الشوارب يقولون أنتم مشغولون بالقشور وأن استعمال السواك من القشور وأن إنكار الإسبال الثياب من القشور ويقولون دعوا الناس يلبسون ما يشاءون وأن سفور النساء من الكمال وأن الحجاب أن حجابي من القشور إذا ماذا بقي صار الدين كله قشورا بل إنهم يقولون إن الشرك وعبادة القبور من الأمور الهينة وهذه عقيدتهم وهم أحرار في عقيدتهم هذا من احترام الرأي من الرأي الآخر وهم مجتهدون فلا تخلوا ولا تنكروا عليهم كل هذا يقال الآن وما وهذا لا شك أنه محاداة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتنقص لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا كان القرآن جاء بالقشور والسنة جاءت بالقشور فماذا بقي فماذا بقي نعم يعني de même que les gens qui prétendent être des musulmans qui sont fiers à l'islam et certains mécréants ils se moquent de la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم ils disent que il y a de la dureté dans la sunna comme le fait de laisser pousser la barbe et de raser les moustaches, ils se moquent de ça, et ils disent que vous êtes occupés, vous êtes trompés par cette dureté-là, et cette, comme ils disent, l'âge de pierre, ils appellent ça l'âge de pierre, et ils disent que le fait d'utiliser le siwak aussi, ça remonte à l'âge de pierre, et le fait de blâmer, le fait de laisser traîner les habits, ça remonte aussi à l'âge de pierre, c'est de la dureté, et ils disent aussi, laisser les gens porter ce qu'ils veulent comme vêtements, et le fait que la femme se dévoile, ça fait partie de sa de son kamal, de sa perfection, et que le hijab c'est de la dureté, ça vient de l'âge de pierre. Et ensuite, le cheikh a dit, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il reste? Parce que si toute la religion c'est de la dureté et que c'est de l'âge de pierre, qu'est-ce qui reste? Et ils disent que le shirk, il fait d'adorer les tombeaux, c'est quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de très grave, et que les gens sont libres dans leur croyance, et que ça, c'est le fait de respecter l'opinion et la vision de l'autre, l'opinion et la vision de l'autre personne, et que chacun a le droit de faire un effort de réflexion et de méditer comme il veut. Non, mais il dit, ils disent ne soyez pas durs et ne les blâmez pas, ainsi de suite. Et le cheikh a dit que tout ça, ça rentre dans le fait de contredire Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de dénigrer le Coran et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si jamais le Coran, il est venu avec la dureté et l'âge de pierre, et que la sunna aussi est venue avec la dureté et l'âge de pierre, mais qu'est-ce qui reste dans la religion? Qu'est-ce qui reste dans la religion? Ensuite, il a dit, « وَيَقُولُونَ نَتَّحِدُ فِي مَا بَيْنَنَا لَوْ كَانَ بَيْنَنَا قُبُورِيٌ وَشِيعِيٌ مِنْ أَجْلِ أَنْ نُقَوِمَ الْإِلْحَادِ فَنَقُولُ لَهُمْ مَا هُوَ الْإِلْحَادِ ويقولون الإلحاد هو إنكار الخالق فنقول لهم الشرك وعبادة غير الله أليس هو من أعظم الإلحاد بل هو من أشد الإلحاد الشيخ a dit que ils disent les gens qui s'affilient à l'islam et qui prétendent avoir un sens que on s'unit entre nous même si entre nous il y a des gens qui adorent les tombeaux les kouburi ou s'il y a des shi'a des rafid pour soi-disant combattre l'athéisme. Ensuite, le cheikh a dit, qu'est-ce que c'est que le ilhad? Qu'est-ce que c'est que l'athéisme? Et eux, ils disent que le ilhad, c'est le fait de blâmer le créateur, le fait de blâmer le créateur. Le cheikh a dit qu'on en répondra que le shirk, le fait d'adorer autre qu'Allah et de faire du polythéisme, ça fait partie de l'ilhad. Même c'est le plus grand type et le pire de l'ilhad. C'est le type, le plus grand type de ilhad, le plus grand type de athéisme. Et la catégorie la plus pire de l'athéisme aussi. Yufalladi yasubbu ar-rasula sallallahu alayhi wa sallam wa as-sahabata radiyallahu anhum huwa min al-inhad kalladhi yasubbu as-sahabati wa tanqasu Aisha umm al-mu'minin radiyallahu anha yasifu bima barra'aha Allah minhu hadha mutanaqqis lir-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa muttahamun aw muttahimun lahu wa anna fi ahlihi su'an wa annahu yaqirru السوء في أهله نسأل الله العافية أن الله اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم زوجة فاسدة هذا تنقص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأن الرسول رضي بها وهي فاسدة وهذا كفر صريح. Ainsi, celui qui insulte les compagnons, qui dénigre les compagnons, qui insulte le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et bien ça fait partie de l'ilhad, ça fait partie aussi de l'athéisme. Pourquoi ? Parce que celui qui insulte Aïcha, par exemple, qu'elle a l'agré et qui la qualifie d'une chose dont elle a la innocenté, c'est comme s'il dénigrait le prophète, c'est comme s'il dénigrait le prophète et qu'il insultait le prophète. Et qu'il affirme que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté la perversité dans sa famille. Et qu'il n'a pas blâmé ça dans sa famille. De même qu'il dénigre Allah Azzawajal parce que c'est comme s'il prétendait qu'Allah Azzawajal l'avait choisi pour le prophète une femme qui était quelqu'un de pervers, qui n'était pas une femme pieuse. Et ça, c'est un dénigrement d'Allah Azzawajal, de son messager. Et c'est de la mécréance pure. Chacun dit que c'est de la mécréance pure. Kufrun salihun. كذلك الذين يتنقصون الصحابة يكذبون الله تعالى إن الله تعالى أثنى على الصحابة في آيات كثيرة قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار فهؤلاء المهاجرون والأنصار هم الصحابة رضي الله عنهم وهؤلاء يقولون الصحابة كفروا ولم يبق منهم على الإسلام إلا أربعة وما هذا إلا تكذيب لله عز وجل جل وعلا ويقول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ويقولون صحابة كفار سبحان الله ويذمون من أثنى الله عليهم ويكفرون من أثنى الله عليهم. نعم. Donc il a dit que de même que ceux qui dénigrent les compagnons, ils démentent, c'est comme s'ils démentaient Allah Azza wa Jal directement. Pourquoi ? Parce qu'Allah Azza wa Jal dans le Coran, il a fait l'éloge des compagnons dans beaucoup de versets, et il les a qualifiés comme étant des gens de confiance. Et le verset l'a dit, les tout premiers croyants, parmi les émigrés et les auxiliaires, les ansars, et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Dans notre verset, il a dit, Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux envers eux, miséricordieux entre eux. Puis les voient inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Ensuite, le cheikh il a dit, والله جل وعلا يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون فهؤلاء هم المهاجرون ثم قال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. D'abord il a parlé des muhajirun, ensuite il a parlé des ansar et son et les compagnons qu'elle a les agréés tous. Et Cheikh a dit que ces personnes-là disent que les compagnons ont mécru et qu'il n'est resté parmi les compagnons que 4 personnes qui sont restées sur l'islam. Et ça, c'est le fait de contredire Allah Azza wa Jal clairement et de traiter le mensonge ce qu'il a dit dans le Coran. Donc le Cheikh il a dit qu'il blâme les personnes dont Allah les fait l'éloge et il les rend mécréants. Alors qu'Allah a dit ces versets-là qu'on a cités dans Surat Tawba et dans Surat Al-Fath. Ensuite, il a cité les versets de Surat Al-Hashr, dans lequel Allah a dit, sur la traduction rapprochée, ils appartiennent également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays. Ils appartiennent aussi aux émigrés besogneux qu'ils ont été expulsés de leur demeure et de leur bien, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah et qu'ils partaient et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et son messager. Ceux-là sont les véridiques. Ça, c'est par rapport aux muhajiroun. Ensuite, il dit par rapport aux ansar, il appartient aussi à ceux qui avant eux sont installés dans le pays et dans la foi et qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ceux que ces émigrés ont reçus. Et ils les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Ceux-là sont ceux qui réussissent. Le cheikh a dit que ça parle des Ansar. Il a dit Fahaoulahum l'Ansar, Wahayi Sifatuhum. Ça, c'est les Ansar de Médine, et ça, c'est leur caractéristique. Ensuite, il a dit Waladina ja'u min ba'dihim, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu, rabbana innaka ra'ufur rahim. Et il appartient aussi à ceux qui sont venus après eux en disant Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru, Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Et ça parle des tabi'ins qui sont venus après les compagnons. Il dit voilà, qu'il n'y a qu'un ami manja ba'adam ou yakoul, man yakoul, Allahumma la'an Abu Bakr ou Omar. ولعن عائشة أم المؤمنين ولعن فلانا وفلانا من الصحابة رضي الله عنهم ما حكمهم عند الله تعالى نسأل الله العافية لكن يجب على الشباب المسلمين أن يتنبهوا إلى هذه الأمور ولا ينخدعوا بهذه الدعايات والتضليلات وأن من قال أنه مسلم فهو مسلم ولو صدر منه ما يناقض إسلامه. نعم إلى ذلك. Donc ça, c'est la caractéristique des tabi'ins ceux qui sont venus après les compagnons, qu'ils invoquent pour les compagnons. Il a dit que si jamais ceux qui viennent après les compagnons, ils disent « Oh Allah, maudit Abu Bakr, Omar, maudit Aïcha, la mère des croyants, et maudit un tel parmi les compagnons », qu'est-ce que c'est alors leur jugement? Qu'est-ce que c'est alors leur jugement auprès d'Allah? Il a dit qu'on demande à Allah qu'il nous préserve. Donc ce qui est obligatoire, c'est que les jeunes musulmans, il fasse attention à ces choses-là et qu'il ne soit pas trompé par ses prêches et ses appels et ses tentatives pour essayer d'égarer les gens. Et que toute personne qui dit qu'il est musulman, pas forcément musulman, et qu'on ne dit pas que toute personne qui dit qu'elle est musulmane, même si elle fait des choses qui annulent son islam. Non, il a dit ولا نفرق بين الناس فنقول إننا لا نفرق بين الناس الصالحين والطيبين إنما نفرق بين الطيب والخبيث قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون فنحن لا نفرق بين المسلمين حاشا وكلا إنما نفرق بين الطيب والخبيث يميز الله الخبيث من الطيب وجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعلوا في جهنم أولئك هم الخاسرون. فالله جل وعلا وعز وجل ميز بين الخبيث والطيب، فالذي لا يميز بين الخبيث والطيب إما أنه ليس عنده عقلية يميز بها، وإما أنه ليس عنده إيمان. نعم. Donc il a dit qu'on ne peut pas non plus dire qu'on ne fait pas la différence entre les gens qui sont pieux et ceux qui ne sont pas pieux, et les bons et les mauvais. Comme elle a dit dans le verset, que ces gens-là ne sont pas égaux. Ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais ne sont pas égaux. Il a dit que l'aïs bin khabith wa taïb, wala wa'ajabaka kathratun khabith. Dit, ils ne sont pas égaux, le bon et le mauvais, même si l'abondance du mauvais te séduit. Dans notre verset, il a dit aussi afin qu'Allah distingue le bon du mauvais et qu'il place le mauvais les uns sur les autres, pour en faire un amoncellement qu'il jettera dans l'enfer. Ceux-là sont les perdants. Donc il a dit qu'on ne fait pas la différence entre les musulmans, ça c'est sûr, mais on fait la différence entre les bonnes et les mauvaises personnes. Celles qui sont des bonnes personnes et celles qui sont des mauvaises personnes. Et que celui qui ne fait pas la différence entre les deux, entre les bonnes et les mauvaises personnes, c'est soit qu'il n'a pas de raison avec laquelle il fait la différence, ou soit il n'a pas de foi, l'iman. Et qu'Allah Azza wa Jalla, il a fait la différence entre les deux, entre le bon et le mauvais dans le Coran, et il a expliqué qu'il allait faire la différence entre les deux, et il a récompensé chacun en fonction de leur état. Il fait que tout le monde a un savoir, il a un iman, il fait recouvrir entre les mu'min et les munafiques, les kafirs et les musulmans, les mulhid et les zindiques. ما عنده تفريق بين الناس هذا إما أنه فاسد العقل وإما أنه فاسد العقيدة والعياذ بالله فيجب على المسلم أن يعرف هذه الأمور ويتأمل هذه الآية قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا يقبل عذر من استهزأ بالله ورسوله دل على أن من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكفر. Non, on a dit que ainsi ces gens qui font pas la différence entre les bons et mauvaises personnes, yani, les gens sont équivalents pour lui. Ils sont tous équivalents pour lui. Il n'y a pas de différence entre le musulman et le mécréant, l'hypocrite et le pervers, et l'athée et le zindig qui est l'hypocrite. Donc il ne fait pas de différence entre les deux. Donc le cheikh a dit que cette personne-là, soit il a un problème dans sa raison, ou soit il a une mauvaise aqida, qu'elle nous en préserve. Donc ce qui est obligatoire pour le musulman, c'est de connaître ces choses-là, ces points-là, et de les méditer, et de méditer aussi ce verset-là, de réfléchir sur ce verset-là, dit « Est-ce dans l'ordre de ces versets et de son messager que vous vous moquiez ? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. » Et qui n'accepte pas la parole, l'excuse d'une personne qui se moque d'Allah et de son messager, et il dit qu'il y a une excuse. Et de même, il a dit que ce verset-là, ça prouve que celui qui insulte Allah Azzawajal et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, il devient un mécréant. Ensuite, il a dit « Wa qad dhakara al-ulama ou anna al-istihza yanqasimu ila qismayn » Et qui savants ont dit que le fait de se moquer de la religion, c'est divisé en deux catégories. Istihza'un sarihun bil qawl wa istihza'un bil ishara. Premier type, c'est le fait de se moquer de façon explicite avec la parole. Et deuxième type, c'est le fait de se moquer avec un signe, en faisant des signes. Wa istihza'u bil isharati kan yamudda shafatahu istihza'an aw yamudda 'aynahu istihza'an aw yushira isharatan tu'ti atanqusa wal istihza'a. Fa hadha ya'uddu أو يعد تنقصا واستهزاء إن لم يتكلم قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. Le fait de faire de la moquerie ou de la raillerie avec le signe, c'est comme si la personne faisait un signe avec ses lèvres ou avec ses yeux, ou qu'elle fasse un signe qui montre qu'elle rabaisse ou qu'elle se moque de la religion. Ça, c'est compté comme de la raillerie, de la moquerie par rapport à la religion. Et la preuve, c'est versé dans le sourate Mutaffifin, Allah a dit « Inna lina ajramu kanu minalina amanu yalhakun » que les criminels riaient de ceux qui croyaient et passant près d'eux, ils faisaient des zouyades, c'est-à-dire qu'ils faisaient des signes avec leurs yeux. Il dit « Fa'ala al-muslim al-ayatanabbaha lihadi l'umur wa tajannab al-kalama al-sayy la siyama al-kalama fi umuri shari'i wa ahli shari'i wal-ulama wa yahfadha lisanahu qala ta'ala ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Le cheikh a dit que ce qui est obligatoire pour le musulman, c'est de faire attention à ces choses-là et d'éviter de parler de façon mauvaise, de façon qui n'est pas correcte, surtout quand c'est en rapport avec la religion, avec les gens de science et les savants, et qu'il doit préserver sa langue. Parce que à chaque fois qu'il prononce une parole, il y a toujours un ange qui est là, qui est présent et qui est prêt à écrire. Comme il a dit le verset, son traducteur s'est rapproché des sens du verset, il ne prononce pas une seule parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Ensuite, le cheikh a dit وَلَا تَعْرِفُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ إِلَّا إِذَا تَعْلَّمْتَ الْعِلْمَ النَّافِعِ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ الْفُرْقَانَ وَهُوَ الْقُرْآنَ لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ قَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا فيجعل في قلوبهم نورا تعرفون به أو قلوبكم نورا تعرفون به الحق من الباطل والقرآن فرقان وتمييز الذي يجعله الله في قلب المؤمن فرقانا أيضا لأنه يفرق بين الحق والباطل فلا يلتمس عليه هذا وهذا. Donc le cheikh a dit qu'on ne peut pas connaître la vérité du faux, si ce n'est en apprenant la science utile. Et que Allah Azzawajal a fait descendre le Coran en tant que discernement, entre le vrai et le faux. Comme il est dit dans le verset, ô vous les croyants, si vous craignez Allah, il vous donnera du discernement. Il vous donnera le discernement dans votre cœur. Donc le cheikh a dit que si jamais la personne est pieuse, Allah mettra dans son cœur une lumière avec laquelle il fera la différence entre le vrai et le faux. Et le Coran, c'est un discernement. C'est un des noms du Coran, c'est le Furqan, c'est-à-dire discernement. Et la différence entre le vrai et le faux. Donc ainsi, le croyant pourra faire la différence entre ce qui est correct et ce qui est faux. et ce ne sera pas ambigu pour lui, ce ne sera pas ambigu pour lui. ولا تؤثر عليه الدعايات المضللة والشبهات المزوقة. لكن هذا يحتاج إلى عناية وتعلم ويحتاج إلى حذر من المنافقين الزنادقة المدسين بين صفوف المسلمين وأن لا يحضر مجالسهم إذا حضر فليكون على استعداد للإنكار عليهم وإنكار مقالتهم ورد شبهاتهم ورد شبهاتهم. Si jamais la personne a la science utile, ni les prétentions et les shubuhat qui sont embellis et qui égarent les gens ne feront pas d'effet sur lui, Mais ça nécessite de donner une grande attention à la science et d'apprendre et de faire attention aux hypocrites et aux gens qui sont des pervers et les gens qui sont cachés entre les rangs des musulmans, et que la personne n'assiste pas à leur assise. Si jamais elle assiste à leur assise, elle doit être prête à blâmer ce qui est blâmable, et blâmer leurs paroles, et à réfuter leurs ambiguïtés. تاسعاً الآية الكريمة أيضاً مسألة دقيقة هي أن من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سواء كان جاداً أو هازلاً أو مازحا لأن هذا الأمر ليس فيه مزح وهزل ولا هزل فلا يجوز الهزل والمزح في هذا الأمر فمن سب الله أو الرسول أو القرآن أو الصحابة أو من تبعهم من أهل العلم فإنه يناله هذا الوعيد الشديد ولو كان مازحا لأن هؤلاء الذين نزلت فيهم الآية قالوا إنما كنا نخوض ونلعب فلم يقبل الله عذرهم بل قال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فعلق الحكم بمجرد الاستهزاء فالاستهزاء بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالآيات ليس فيه مزح ولا لاعب ويجب احترام هذه الأمور وعدم الاستهزاء بها والمزح بها. Neuvièmement, le cheikh a dit que le verset c'est une preuve que le fait qu'une personne insulte Allah Azzawajal, ou le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou le Coran, ou la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle mécroit, peu importe qu'elle soit de façon sérieuse ou pas, que ce soit de façon sérieuse ou en rigolant. Pourquoi ? Parce que dans cette chose-là, il n'y a pas de plaisanterie ni de sérieux. Peu importe que la personne soit en train de plaisanter ou pas, qu'elle soit sérieuse ou pas, ça ne change pas le jugement. Ce n'est pas permis de faire de la plaisanterie ou d'être soi-disant en train de rigoler ou de s'amuser. Donc ça ne change pas le jugement, que la personne soit sérieuse ou pas, que ce soit de façon en train de rigoler ou pas, ça ne change rien au jugement, c'est pareil. Et ainsi, celui qui insulte Allah Azzawajal, le messager ou le Coran ou les compagnons ou ceux qui le suivent parmi les gens de science, eh bien, il sera touché par cette menace dure qui est dans le verset, et même s'il était de façon pas sérieuse. Et ici, il parle de façon qui n'est pas sérieuse en rigolant. Parce que ceux à propos desquels le verset a été révélé, ils ont dit que on ne faisait que discuter et s'amuser. Et Allah n'a pas accepté leur excuse. Il a dit قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Il dit est-ce d'Allah, de ces versets, de son messager, que vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Donc il a lié le jugement au fait qu'ils sont moquer, et le fait de se moquer d'Allah et de son messager sallam, ou du Coran et des versets, il n'y a pas de sérieux ou d'amusement dans ça, yani, c'est équivalent, ça ne change rien, que ce soit de façon sérieuse ou pas, ça ne change rien au jugement. Ce qui est obligatoire pour la personne, c'est de respecter ces choses-là, respecter le Coran et la Sunna et les savants et les compagnons, et de ne pas se moquer de ces choses-là. عاشرا كذلك تدل الآية عن على أنه يكفر ولو لم يعلم أن هذا كفر لأن هؤلاء ما علموا أن هذا كفر فهؤلاء كانوا من أهل الإيمان كانوا أهل إيمان كما قال تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم وما علموا أنه كفر فالله لم يعذرهم بذلك فيكفر ولو كان لا يعلم أن سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآياته كفر فكيف إذا كان عالما فالأمر أشد فهذه مسألة مهمة، أنه لا فرق بين الجاد والهازل والجاهل والعالم. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين، ينصر الإسلام والمسلمين ويذل أعداء الدين، وصلى الله على وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. Dixièmement et dernièrement, le cheikh a dit que ce verset, ça prouve aussi que la personne, elle mécroit même si elle n'est pas au courant du jugement. Elle mécroit même si elle n'est pas au courant du jugement, du fait que se moquer d'Allah et de son messager, c'est de la mécréance. Parce que ces personnes-là qui se sont moquées, ils n'étaient pas au courant, ils n'étaient pas au courant que c'est de la mécréance. Et malgré ça, ils ont quand même mécru, comme c'est dans le verset. Et c'était des gens de la foi, c'était des gens qui avaient de la foi, qui étaient des croyants. Mais ils n'étaient pas au courant que c'est de la mécréance. Mais malgré ça, Allah n'a pas accepté leur excuse à Zoyel. Il a quand même rendu mécréant ces personnes-là. Donc le fait que la personne insulte Allah et son messager, ça c'est la mécréance, même si la personne n'est pas au courant. Et si jamais elle est au courant, c'est encore pire et encore pire. Donc le cheikh a dit que c'est très important de faire la différence entre ça et de savoir aussi cette mas'ala-là, que celui qui est sérieux et celui qui n'est pas sérieux, celui qui est au courant, celui qui n'est pas au courant, c'est pareil, ça ne change rien au jugement. Que la personne soit au courant ou pas, qu'elle parle de façon sérieuse ou pas, elle mécroit quand même. Donc c'est quelque chose de très grave à laquelle il faut faire très attention. Ensuite, le cheikh a dit que demande à Allah qu'il secoue l'islam et les musulmans et qu'il avilie les ennemis de la religion et qu'il fasse les éloges de ce prophète Mohammed ainsi que sur ses compagnons et l'ensemble de ses suiveurs jusqu'à Yom al-Qiyamah. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour cette semaine. Hada wallahu a'lam. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.